OK, le sujet ce soir, le numéro 144, les sept morts de Lévi. Faudrait établir à la base qu'est-ce que c'est une mort. Une mort, en principe, c'est un rejet de Lévi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une vie, c'est une expérience sur laquelle on met en mouvement différents niveaux de, on va dire comme ça, de développement. Tu peux avoir un développement physique, un développement vital, un développement émotionnel, un développement mental et un développement spirituel. OK? On arrive à cinq. Quand on arrive à penser mort, on pense automatiquement fin de quelque chose. Dans la carte du tarot, la mort représente un arrêt irréversible. Donc, on suppose que là où tu vas t'arrêter, tu ne reviendras plus en arrière de la même façon, ou tu ne reviendras plus en arrière quand tu es mort physiquement, autrement qu'en te réincarnant dans un autre corps. OK? Donc, si on parle de fin de, ça veut dire qu'une expérience atteint tout le temps son point de saturation. Et en soi, c'est bon parce qu'il n'y aurait pas progression s'il n'y aurait pas ça, cette situation-là. Être saturé, ça veut dire que tu as fait tout ce qui était possible avec les ressources que tu avais. Tu as fait tout ce qui était possible de faire pour pouvoir aller au bout de l'expérience. Ça ne veut pas dire que l'expérience dans son absolu a été accédée à son maximum par la personne. Tu sais, moi, si je vais au maximum de la danse, je peux en mourir dans le sens, pas physique, mais dans le sens que, bon, ben là, je n'ai assez fait. Quand je l'ai fait avec Denise Latour à l'époque, elle voulait m'avoir comme partenaire de danse parce que moi, j'y partais son activité avec mon groupe d'individus. Mais au premier cours, elle m'a saturé d'aplomb et mon temps était fait. Il fallait qu'elle passe à un autre partenaire de danse parce que là où elle voulait aller, j'étais pas capable. Deux petits bellies sur le plancher de danse, il y en a un belly qui roule moins vite que l'autre, puis c'était moi. Simple de même, ça veut dire que l'expérience de mort que j'ai vécue à l'époque n'a pas été trop difficile parce que l'effet de saturation était demandé. J'avais hâte d'être saturé dans un sens. Mais d'une façon générale, quand on regarde la mort comme étant une situation négative, en ce sens que on dit « Ah non, je pense pas, je voudrais pas avoir à perdre ça, je voudrais pas avoir à arrêter de vivre ça » ou ces choses-là, c'est quand on perçoit qu'on voudrait aller plus loin parce qu'on sait que l'expérience pourrait aller plus loin ou on sait que quelqu'un d'autre va pouvoir aller plus loin dans l'expérience. Bon, quand exemple, je pense à Denise, elle s'est trouvé un autre partenaire, c'était deux champions de danse ensemble qui faisaient des concours. Et puis, ben, c'était normal que, je me souviens plus de son nom, là, mais que l'autre continue à ma place, là, OK? Puis, ils ont été capables de pousser à joke jusqu'à faire un commerce de, pas de danse, là, mais un commerce de restauration. Et puis, ça a bien été. Bon. Donc, une expérience à deux niveaux. Une expérience A, l'expérience, je vous donne l'exemple de la danse, qui peut aller jusqu'à des registres de compétition internationale. Et il y a l'expérience véhiculée par un individu, qui peut être une expérience de danse aussi, mais qui, selon l'individu, peut aller loin ou pas loin. Et donc, la mort arrive plus vite pour celui qui n'a pas les ressources, on va dire, pour se rendre jusque-là, jusqu'au niveau extrême de l'expérience. Vous me suivez jusque-là? Donc, c'est comme si une expérience a deux phases. Elle a la phase absolue et la phase relative. La phase absolue étant qu'une expérience qui va mener à la finalité, peut prendre pour une personne 35 ans, 40 ans, et puis que pour une autre, ça peut durer 3 mois, 6 mois, puis il a déjà atteint son point de saturation. Et puis dans son point de saturation, ben il touche à la mort qui est la fin de l'expérience en ce qui me concerne de danse. Par contre, l'expérience de la parole, en ce qui me concerne, a commencé à l'âge de 14-15 ans, et j'en ai 65, donc 50 ans plus tard, je suis encore dans l'évolution et le développement de la parole, ce qui veut dire que là-dessus, je suis pas mort. Vous savez? Donc, vous pouvez avoir des morts dans certains domaines, et puis des capacités de vivre dans d'autres domaines, parce que il y a, avec les années, il y a un rapatriement des ressources pour se concentrer sur ce que vous êtes capable de continuer. Vous me suivez? Vous pouvez continuer, comme moi, je peux continuer dans la parole. Je peux imaginer assez facilement être plugué en direct avec Internet dans mon lit d'hôpital ou n'importe quoi, puis continuer à parler. Même Bernard, quand il était malade, il était techniquement, physiquement en train d'atteindre son point de fin de, puis il était encore capable d'avoir les ressources de communiquer puis de parler. Donc, vous pouvez mourir dans un domaine et puis avoir du pitch au-delà du domaine qui est en train de mourir. T'sais. Je pourrais même dire que Bernard, aujourd'hui, il a encore une capacité de communication sans le corps. Donc, il est mort physiquement, mais il n'est pas mort psychiquement. Vous me suivez jusque-là? Donc, faut toujours prendre en compte le fait que mourir, c'est pas juste un secteur que tu meurs. Tu peux mourir affectivement, tu peux mourir au niveau vital, tu as moins de ressources parce que tu es malade. Tu peux, évidemment, si tu meurs physiquement, il n'y a plus aucune ressource autre que le psychique qui va continuer à se perpétuer. Donc, votre esprit va pouvoir se réincarner, puis c'est dans un sens, l'être humain, dans son absolue expérience, est psychiquement éternel. Mais il peut avoir des ondes de ressources qui sont mortelles. Le physique va être mortel, le vital va être mortel, l'émotionnel va être mortel. Le mental, les idées, le monde des idées, le système des valeurs peuvent être mortels. Le supramental peut être mortel dans son aspect philosophique, mais non pas dans son aspect vibratoire. Vous me suivez jusque-là? Fait, vous pouvez mourir à bien des niveaux, puis vous pouvez avoir à identifier dans votre vie ce qui est déjà mort, puis ce qui continue à vivre. Et ce qui continue à vivre, souvent, c'est des expériences qui deviennent de plus en plus proches des idées, du mental et de l'émotionnel aussi. Je pense facilement que les gens, dans leur expérience affective ou émotionnelle, avant d'en mourir, donc de perdre le goût de vivre, parce que le goût de vivre est raccordé à la charge émotionnelle, donc avant de perdre le goût de vivre, dans le sens émotionnel du terme, toujours, ben vous allez avoir encore des ressources intellectuelles ou mentales, des valeurs à défendre, des idées. Et une personne va dire, moi, je ne vais plus à rien, là, tu sais, dans le plan affectif. Mais il y a un chien, il y a un chat, il y a quelque chose qui leur tient à vie au niveau affectif, qui est plus humain à humain, à cause que les idées ne correspondent pas entre les humains et ils peuvent pas correspondre au thème affectif. Parce que, tu sais, si on regarde les divorces, bien souvent, l'affectif voudrait bien, mais les idées ne matchent plus. Et puis, parce que les idées, le mental ne matche plus, ben ça bloque les autres secteurs. Tu sais, la personne n'est pas motivée, donc elle n'a pas le vital qui va aller dans le sens de l'autre. Le corps, évidemment, ne se déplacera pas autrement que par rapport à ce que la tête veut faire. Et puis là, ben la relation va s'éteindre, mais sans que les corps meurent. Il faut dire, je divorce de quelqu'un, je parlais avec Monique tout à l'heure, il n'y a rien qui me ramènerait à vivre avec, mais il y a beaucoup qui, au niveau du mental pur, le mental, réellement la vibration, quand tu as fait le bien puis qu'on s'accroche pas dans l'affectif, puis dans le vital, puis dans le physique, ben, il n'a pas de problème. Là, il reste ça. Avant de mourir, il reste ça. Comprenez-vous ce que je veux dire? Fait que si vous parlez de mort dans vie, vous parlez de mort physique le 90% du temps parce que vous voyez ça comme un arrêt final dans tout. Mais si vous allez vous déplacer dans la mort qui est un rejet de la vie, mais dans son sens abstrait, c'est quand quelque part dans la vie, vous voulez faire des choses, puis ce que vous voulez faire, entre guillemets, vous rejette. Je pourrais dire « la danse m'a rejeté ». Mais je pourrais dire aussi, je suis pas capable de faire de la danse. Vous me suivez? Qu'est-ce qui rejette l'autre? C'est embêtant. C'est comme une sorte de rejet mutuel entre moi qui est pas capable d'eux, puis le milieu ou le monde de la danse que je peux juste regarder puis dire, waouh, c'est donc bien beau, mais auquel je peux pas participer. Donc, la vie, c'est un processus de participation. Vous participez à une expérience et c'est là que vous vivez de la vie. Moi, je vis les carabines depuis 2010, et puis je vis ça sous des conditions que si j'ai pas ces conditions-là, je le vivrai plus demain matin. OK? Mes conditions, moi, c'est que j'aille de la participation avec d'autres personnes qui font de la compétition ou qui font de la carabine. Vous me suivez? J'ai un plaisir fou à être avec du monde qui tire de la carabine. Mais si ces gens-là disparaissent, exemple, la gang de l'Estrie, Madeleine, Céline, puis toutes ces choses, si eux autres coupent, je perds l'intérêt de l'expérience. Parce que l'expérience est née de vouloir tuer des coyotes. Elle n'est pas née de vouloir faire de la compétition. Fait que l'essence même du départ est une forme de chasse de prédateurs. Je pourrais trouver une motivation à tirer un coyote, deux coyotes, trois coyotes. Puis si je tirais deux, trois coyotes par année, ça me garderait en vie dans l'expérience de la carabine. Parce qu'initialement, c'est ça que je voulais faire. Tandis que mes amis qui tirent, la plupart du temps, c'est pas de la chasse, eux autres. C'est comme aller jouer au billard. Mais la balle, la poche est loin pour mal. 200 mètres, une poche de billard, là, c'est que, je sais pas, il faut un bon coup pour que la balle se rentre. Fait que la dynamique est que mon expérience est conditionnée. Puis tout le monde qui vit une expérience qui lui donne du goût de vivre a une condition. T'as une condition si tu veux te marier. T'as une condition si tu veux travailler. T'as une condition si tu veux vivre avec quelqu'un. T'as une condition. L'essence même de la condition, c'est ce qui vous fait vivre. Quand la condition n'est plus répondue, il y a un rejet de l'expérience. Vous rejetez l'expérience, vous rejetez ce que vous vivez dedans. Vous me suivez? Moi, je suis rentré à Saint-Colomban pour être avec mes chats, et si on me réduit, on me conditionne mes chats, j'ai plus de raison d'être dans cette ville-là. C'est bien dur pour une ville de comprendre ça. Qu'on puisse ne vouloir décider de s'en aller parce qu'on n'a pas telle condition qui est répondue. Vous avez toutes des conditions pour vouloir vivre quelque chose. Et l'étude de vos conditions, c'est la compréhension de ce que vous êtes profondément. Quelle est la condition dans votre vie qui vous fait vouloir vivre? Vous voulez vivre sur quoi? Il y a bien des gens qui me payent des fortunes. Je dis des fortunes parce que je suis pas riche, puis quand je reçois 1000 piastres, je suis riche. Il y a des gens qui payent des fortunes pour que je les aide à se définir, pour que je les aide à changer. Et ce qu'ils veulent, c'est savoir, dans le fond, quelle expérience qui va leur permettre d'avoir du goût de vie, du goût de vivre, et de pas rejeter cette expérience-là par une incompétence quelconque. Tu sais, il y a des gens qui me disent, je suis-tu fait pour me marier, moi? Ça dépend. C'est quoi tes conditions? Tout le monde n'a pas les mêmes conditions. Vous avez des conditions qui ne fait pas que c'est les mêmes conditions pour chaque personne. Chaque personne établit dans son expérience de vie la raison pourquoi elle veut vivre en couple. Moi, qu'est-ce que j'ai découvert dans la vie? J'ai découvert que quand j'arrive chez nous, je veux pas parler. Je veux pas me faire ostiner et je veux pas me faire critiquer. S'il existe une femme sur la planète qui a réussi à faire ça, oui, je veux vivre en couple. Mais j'en ai pas rencontré. Et conditionnellement à ça, j'ai dit un chat, quand ça miaule, ça pâle pas. J'ai sa litière à changer, au même titre que l'autre va me dire, tu voudrais-tu m'acheter un morceau de linge? Tu voudrais-tu m'acheter un auto? Moi, je suis willing d'acheter tout ce que tu veux, condition que tu me critiques pas. Tu chiales pas après moi. Puis que quand j'arrive de travailler, j'ai pas le goût de parler, je veux relaxer, je veux me vider le cerveau. Merveilleux, n'est-ce pas? Quand tu sais ça, mais ça m'a pris 40 ans de savoir vraiment. Mais quand tu sais ça, tu sais que tu ne rejetteras pas les vies si telle condition est répondue. Toutes vos expériences de travail, toutes vos expériences financières, toutes vos expériences de vie répondent à certaines conditions. La preuve, vous cherchez un job. Vous cherchez un job alors qu'il y a des millions de jobs sur le marché. Millions! Puis si tu la trouves pas parce que quelqu'un te l'offre pas, tu peux te la créer, ta job. Mais vous allez avoir des conditions pour vouloir vivre le fait de travailler. Quand est-ce que tu es obligé de prendre des conditions qui vont répondre à tes conditions? C'est quand les mêmes prix. Hein? Puis quand t'es mal pris, tu cherches à mourir de cette expérience-là, tu travailles fortement à rejeter qu'est-ce qu'on te donne, que tu es obligé à. Il y a une chose qu'il faut vraiment, vraiment comprendre profondément dans votre vie, profondément. C'est la phrase de la soirée. Le monde veut être libre de décider. Tout le monde, même les plus yes-men de l'existence, veulent décider ou décéder. Facile à comprendre. Tout le monde veut décider dans sa vie. T'es marié, tu décides pour l'autre, mais l'autre oublie jamais qu'il veut décider ou décéder. Décéder, ça veut dire sortir de l'expérience. S'il ne peut pas prendre de décision. Vous voulez mourir d'une expérience, en tenant compte de ce que c'est la mort, expliquer comme je le fais, là, que si vous ne décidez pas, ça vaut pas la peine de vivre. C'est ça qu'il faut comprendre. Et que comprendre la mort, c'est comprendre le pouvoir décisionnel de l'être. En d'autres termes, quand tu es mis en vibration, tu veux pas te faire bloquer là-dedans. La vibration étant une expression, on va le dire de même, là, une expression des forces ou une expression divine ou une expression qui fait que ta vie vaut la peine de être mis en vibration, ne serait-ce que pour aller manger un beigne ou manger un hot dog ou décider de ton lunch, c'est un droit de vie qui t'est donné par vibration. Puis si tu n'es plus capable de vibrer, Chris, t'es mort. Tu vas rejeter la vie, c'est sûr, sûr, sûr, sûr. Il y a du monde dans la vie qu'on dirait qui s'acharne à t'empêcher de décider pour te faire mourir. Sous des douceurs, sous des on va faire ça, on va le faire à ta place. Ils te font mourir quand ils font ça. Un être humain a besoin de pouvoir vibrer et agir. Et ça, ça s'appelle, dans le langage des mortels, décider. Bon, vous allez me dire, ouais, mais t'as toujours dit que c'est pas nous autres qui pensent, puis que si c'est pas nous autres qui pensent, c'est les forces qui décident. Oui, mais vous êtes pas encore rendu là. Il va vous falloir une coupe de vie avant que ça arrive, OK? Puis là, de ce temps-là, moi, j'arrête pas de demander du temps à la ville pour déménager. Tu sais que c'est mourant dans la vie de pas pouvoir vibrer. OK, bon, tu veux vibrer, tu veux... Ah, tu te lèves le matin, tu... Et voilà, je vibre. OK, on s'en va manger chez Cora. Sais-tu que c'est la quatrième fois cette semaine, tu y vas? Ouais, mais je vibre à ça. Là, il y a quelqu'un qui dit, hey, tu viendrais-tu manger à telle place? Non, je m'en vais chez Cora, je vibre. Ah, viens donc, s'il vous plaît, m'a donné 60$. OK, d'abord. On vient de changer ma direction de vie. Là. C'est plate, hein? Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si je décide pas, c'est parce que j'ai établi d'autres priorités, puis mon expérience dans cette priorité-là n'est pas saturée. En d'autres termes, j'ai pas assez d'argent, donc conséquemment, en n'étant pas assez d'argent, c'est prioritaire sur le goût d'aller manger chez Cora pour aller manger, je sais pas au moins, chez Ben et Florentine, Saint-Martin. Vous allez varier votre perception selon des priorités. Vous allez donner une priorité à la dynamique vitale. Vous allez, tu sais, exemple, t'as besoin de dormir, là, ça fait 24 heures que t'as pas dormi, puis tu vas donner priorité à ça sur, je sais pas, moins 5 salaires de 60$ de l'heure, parce que tu vas dire, moi, si je dors pas, là, si tu m'as tombé malade, hein? Puis là, t'établis tes priorités. Puis dans tes priorités, tu vas vibrer des choses que tu pourras pas pas accepter, mais que tu ne pourras pas actualiser immédiatement pour répondre à une priorité que tu ne vibres pas, mais qui est vitale ou qui est fondamentale pour que tu puisses continuer à vibrer de ce que tu aimes, mais dans un autre contexte. C'est des petites morts, mais c'est des petites morts qui sont acceptables. C'est comme tu acceptes de ne pas aller étudier là parce qu'il y a plus d'ouvrages là. C'est des petites morts acceptables. Mais ultimement, ce que tu vibres va te rejoindre. La vie va te cogner à la porte, puis elle va dire, écoute, là, si tu veux vivre mon pit, là, il faut absolument que tu fasses ça tout de suite. Dans 10 ans, il va être trop tard. Et là, il y a une définition absolue qui s'installe. Il n'y a plus de relativité, là. C'est, si tu ne le fais pas, là, dans 10 ans, c'est trop tard. Bon, quand j'ai aidé les gens à se définir, je lui ai dit, quel âge que t'as? T'as tel âge? À tel âge, il est trop tard. À tel âge, ouais, tu peux commencer, mais là, il faut vraiment t'y mettre de suite, de suite, de suite. etc., etc. Il y a des situations où ta structure mentale, ta structure vitale, corporelle, tout ce qui fait que tu vis, ne pourra pas vivre si tu rejettes la vie qui t'est présentée. Donc, il y a des situations où vous êtes, entre guillemets, on va le dire de même, vous êtes suicidaire. La mort physique, c'est une conséquence d'une multitude de petites morts où vous avez accepté de ne pas vivre. Si je ne m'occupe pas de mon corps, à un moment donné, si on me demande un effort physique hors du commun, je vais faire une crise cardiaque. Facile à comprendre, hein? Bon, ben, si dans un temps donné, vous vous êtes pas motivé à faire une activité, exemple, de partage avec un environnement, j'expliquais dans un de mes consultants la différence entre être égoïste puis d'être égocentrique. Un égoïste, ça pense juste à lui. Un égocentrique, ça pense à lui avec les autres. C'est une nuance, là. C'est majeur. Ça veut dire que les autres servent à réaliser ton plan de match à toi. Mais si, dans la vie, tu vas juste pomper le sang des autres, mais tu leur tournes rien, t'es un Christ de vampire, c'est évident qu'en étant égoïste, hein, quelque part dans le temps, tu vas vouloir faire un geste vers les autres pour participer à un échange de groupe, puis le groupe va te sacrer dehors. Pourquoi? Parce que t'es égoïste! N'étant pas égocentrique, donc de te placer dans une structure de partage avec d'autres, il va arriver un coup tough. Dans la société, il y en a un sacrement qui s'en viennent, puis on va s'approcher de 2020, ça va taper dur. Ben, c'est évident qu'à ce moment-là, vous allez être mort. La vie, les autres vont vous rejeter. Point final. Là, vous dites, ouais, mais là, moi, je vais me faire des amis, là, je suis prêt. Non, t'es prêt, il est trop tard. Trop tard, ça veut dire que t'as pas développé les mécanismes qui faisaient que l'échange était facile. Vous me suivez? Et conséquemment, t'as toujours voulu toi, tirer tout ce que les autres avaient sans jamais rien redonner. Conséquemment, you're dead. T'as créé ta condition de rejet absolu. Fait que la dynamique est que dans l'expérience, l'autre, elle sature l'autre. Elle sature, il n'y a plus d'espace. C'est je tout le temps. Il y a du monde comme ça qui, on dirait qu'ils veulent pas se rendre compte ou ils peuvent pas se rendre compte. C'est difficile à comprendre. Puis, ils saturent le monde. Ça n'a pas de sens. C'est hallucinant comment ils saturent les gens. Ils finissent qu'ils meurent. Le crédit meurt. L'intérêt pour leur personne meurt. Tout ça fait que c'est de la mort permanente. Ils savent partout où ils vont. C'est inconscient, mais c'est des tueurs de vie. C'est des gens qui désintéressent les gens de la vie. Ça, faut faire attention à ça. Les gens qui disent « je veux vivre dans la vie » ou « je veux vivre », faut pas que tu vives contre les autres. Faut pas que tu vives aux dépens des autres. Faut pas que les autres soient des fournisseurs de vie. Parce que s'ils fournissent la vie, Christ, puis tu ne lui retournes à rien, ces gens-là, maintenant, ils vont dire « fuck, ils me saignent à blanc, là ». La vie, là, c'est je prends Alexine, elle me prête un montant X ou elle me donne un montant X pour du travail. Ben là, ça me fait vivre, moi, là. Mais moi, il faut que je la fasse vivre aussi, là. Tu sais, fait que faut que j'y donne quelque chose en retour de qu'est-ce qu'elle me donne. On dirait que ça rentre pas dans la tête du monde. On dirait que les astis d'égoïstes de calice, il faut tout lui crisser un poing dans le front pour lui faire comprendre, « Hey, tu me fais mal! » Comprennent pas avant ça, si. Et là, quand tu lui as collé un asti de poing sur la gueule, là, il se pose des questions. « Qui suis-je? » Tu sais? Puis là, ils se rendent compte qu'ils sont en train de se faire crever parce que le prochain coup, ils vont avoir une place que c'est fatal. Là. Vous me suivez? Bon, là, tu vas me dire, ouais, mais comment qu'on peut éviter la mort? Pas compliqué, avant de mourir, si tu regardes ce que ça t'échange, faut que tu aies une raison de vivre, toi, mais il faut aussi que l'autre, avec toi, ait une raison de vivre avec toi. Hein? Pas bien compliqué, ça, là. Fait que l'évolution d'une personne, c'est une évolution qui vise à vivre le plus longtemps possible dans les expériences qu'ils vivent. Puis de dire, bon, ben là, moi, cette expérience-là est saturée, puis parce qu'elle est saturée, je vais passer à une autre expérience. Personne m'arrive à dire, hey, j'ai vécu tant de temps avec telle personne, puis il me finit cela. Merveilleux, tu vas pouvoir avoir une autre expérience. Ah non, je vais mourir. Ah oui, écoute. Tu veux-tu un chat? Tu veux-tu avoir quelque chose qui va échanger avec toi sans condition? Veux-tu un chien, un chat, un perroquet? N'aimerais quoi, tu sais? Pour que ton expérience qui est saturée dans un domaine puisse se poursuivre dans un flambant neuf. C'est pas parce que j'ai rempli le verre que je peux pas le remplir avec un pot. Tu sais, je dis, je le bois, il se vide, bon, qu'on prend le pot, on en remet dedans, puis on est prêt à un nouveau verre. Dans la mesure où tu es capable de passer d'une expérience à l'autre, tu meurs pas. Mais, tu sais, ultimement, tu te prépares une prochaine vie, hein. Tu vas finir par être saturé de X expériences. Comment, qu'est-ce qui peut me tuer dans mon travail? C'est l'impatience. Je suis toujours trop pressé. Là, je suis exposé à une ville trop pressée. Tu sais, wow, si tu veux déménager, un mois, c'est correct? C'est assez? Un mois? Tabarnak, il te dit, faut que tu organises ton financement, faut que tu prépares tes boîtes, faut que. Tu dis, écoute, pouvez-vous me donner 6 mois, ça m'aiderait? Non, tu ne le donnes pas. Là, tu deviens tout compressé, tu dis, si je vais mourir, moi, là, calice, ils vont me saturer de telle place très vite, parce que là c'est comme, faut que tu manges ton assiette, un gros spaghetti, genre, il y en a pour toi, faut que tu manges ça, là, tu as 10 minutes pour le manger. Ouf! C'est comme ça pue d'allure, tu sais, ça pue d'allure. Ils relâchent, ils vont me donner 3 mois, puis là, ah bon, les poignées de main, merci, vous êtes gentil. Puis ils me donnent 5 ans. Ah, si je peux-tu vous aider à travailler? Présentez-moi le directeur des loisirs, puis je vais donner des cours de tarot gratis. Tu m'as vous invité, c'est évident. Puis la dynamique est que là, je vis. Parce qu'on m'empêche d'atteindre un point de saturation. Mon expérience, à ce moment-là, peut continuer sans être pris par un problème de saturation. Vous me suivez? Donc, l'évolution d'un être humain peut penser à l'éternité ou à l'immortalité par le fait de ne pas se placer dans une expérience fatale de saturation. Il ne faut pas que la saturation dans votre vie atteigne un point fatal. Une personne qui a un problème avec un groupe de personnes, elle a un problème de saturation. Soit d'être saturé par l'expérience du groupe ou de elle-même saturer l'expérience des autres. Vous me suivez? Si moi, je m'en vais dans une place puis que je parle comme je vous parle, je risque de créer un effet de saturation rapide chez des gens. Là, Claire veut me faire des conférences grand public. Il va falloir que je m'ajuste. Pas au monde de s'ajuster à moi. C'est à moi de s'ajuster aux autres. Il faut que je parle avec un langage qui ne parle pas de Dieu puis de ci puis de ça. Là. Il va falloir que je reste au bottom rock, là, OK? Puis si je fais ça, je ne saturerai pas mon milieu. Tu sais, genre, ouais, ben là, c'est le genre de gars qu'on rencontre une fois dans notre vie, puis c'est assez. Tu sais, faut que ça soit une expérience qui est renouvelable. Pour que ça soit renouvelable, faut que ça soit à petite cuillère. Faut que je laisse aux gens le temps de digérer ça. Dans d'autres termes, faut que je les rencontre et que je les oublie pour pas avoir d'attente. Si je les oublie pas, ben là, je vais avoir des attentes, des exigences, puis je vais créer un effet de saturation dans mon environnement. Vous me suivez? Déjà une demi-heure, tu vois? Oui. Ouais, c'est ça. Et là, on arrive à l'affaire des sortes de morts. Pour arriver à la mort physique, il faut que différents plans soient saturés. Le plan psychique. Puis dites-vous bien que la saturation est basée par une négation. Tu dis, je veux pas vivre ça. Tu commences à créer un effet de saturation parce que tu réduis ton espace. Faut bien comprendre. On vous donne à naissance 100 pieds de long. Et puis, à un moment donné, il y a une expérience douloureuse. Puis là, vous coupez à 75 pieds de long. Là, vous avez une autre expérience négative. Puis là, vous tombez à 50 pieds. Plus vous limitez à cause du choc, votre expérience, plus vite vous êtes saturé. C'est plus facile de saturer 25 pieds d'espace que de saturer 100 pieds d'espace. Vous me suivez? Bon, faire comprendre quelque chose de simple. Quelle est la différence entre un athlète olympique et un athlète du dimanche? L'athlète olympique est prêt à endurer des souffrances que l'athlète du dimanche n'est pas prêt. C'est bien drôle de voir des gars comme Subban qui sont payés 8 millions par année pour être défenseur. Mais pensez à tous les coûts physiques qu'il faut qu'il endure pour pouvoir mériter ce salaire-là. Donc, il y a une capacité ou une tolérance à la souffrance que le joueur de hockey de fin de semaine est pas capable de prendre. Se faire rentrer dans la bande comme Subban doit pouvoir se faire rentrer dans la bande comme défenseur du Canadien, je suis sûr que le gars, une fois, puis il attache ses patins. Tandis que lui, il attache pas ses patins. Il continue. Il continue d'encaisser la souffrance. Vous me suivez? Donc, votre tolérance psychique au rejet de votre environnement va vous donner le calibre de votre capacité d'encaisser des coups au niveau physique, vital, émotionnel et mental, mental étant les systèmes de valeurs. Si vous n'avez pas le psychique qui est capable de comprendre le rejet de l'autre dans sa définition la plus profonde, vous ne serez jamais capable d'encaisser des coups dans les quatre autres registres, les cinq autres registres qui descendent en dessous. OK? Ça veut dire quoi? C'est que si je vous dis à vous autres, spécifiquement à vous autres, parce que vous avez fait une démarche de développement, je vous dis, le rejet, c'est une incontinence de votre environnement vis-à-vis de votre personne. Vous êtes rejeté, moi je suis énormément rejeté, parce que ce que je projette et ce que j'essaie de mettre en mouvement dans le mental de l'autre, l'autre, il est pas nécessairement disponible à ça et il va le rejeter parce que ça compose pas avec son équilibre. Il est pas capable d'être équilibré là-dedans. Vous pouvez facilement saturer le psychisme d'un autre de par votre seule présence. Vous venez au monde puis vos parents vous endurent pas. Ça a été mon cas. Pas moi-même, mais mon père principalement, j'étais toujours too much pour ces systèmes de valeurs. Mort, il me comprend. J'étais un médium, puis là, il me disait merci, ses plans. Oui, mais dans son corps physique, son intellect, ses systèmes de valeurs, je ne correspondais pas à ce qui faisait qu'il était en équilibre puis qu'il était bien. Donc, j'étais fondamentalement un élément rejeté dans ma structure familiale parce que psychiquement, j'étais bien en avant de lui. Vous me suivez? Bon. C'est pas donné à tout le monde d'être rejeté. C'est comme la beauté. C'est trop beau pour votre environnement et on vous rejette. J'ai vu un petit génie dans une famille de 12 puis il était complètement rejeté par ses parents puis ses frères et sœurs. Pauvre petit. Puis quand il m'a vu, il avait 11-12 ans à peu près. Il dit, vous êtes intelligent. J'ai dit, j'ai même pas parlé encore. Il dit, j'ai pas besoin. Il dit, juste, je le sens. 12 ans, là. J'ai dit, vous pouvez, t'as une conscience de la vibration. Il dit, oui, je vis là-dessus. Il dit, je pourrais pas m'en sortir avec cette gang de fous-là. Ils sont tellement épais. Vous avez pas d'idée. Il dit, je vais à l'école puis je trouve le monde épais. Je dis, ah ouais. C'est excitant. Fait que j'ai dit, t'es un candidat pour être à l'école de la vie. Il dit, mais hein. Il dit, j'aimerais ça vous revoir plus tard parce qu'il dit, au moins j'en ai rencontré un comme moi. J'ai dit, écoute bien. Puis c'est là que j'avais sorti la phrase. Les gens qui te rejettent, c'est des gens qui sont pas capables de te contenir. Prends pas ça comme du rejet fatal. Prends ça comme le fait qu'eux autres ont un problème de rejet. Ils rejettent quelque chose qu'ils sont pas capables de contenir. Ils sont pas capables, dans la comparaison, de se trouver un point d'influence qui a de l'autorité sur ta personne. Ah! Ça, c'était la petite phrase qu'il avait besoin d'entendre à 12 ans. Je l'ai jamais revu, remarqué. Mais c'est pour vous expliquer que si le psychique encaisse du rejet, il faut qu'il tourne ça à son avantage. Moi, j'ai tourné le rejet à mon avantage. J'ai tourné ça pour comprendre que la vie n'était pas faite, n'était pas bâtie strictement pour ma personne. Il y a une expression souvent que... En tout cas, un gars qui avait cagé un des chats, il dit, écoute bien, là, il dit, ton chat, là, il vient sur mon terrain. Il dit, toi, ta liberté, là, a fini où la mienne commence. Oh, une chance que t'as cagé mon chat, je t'aurais jamais rencontré. J'ai dit, écoute, étant donné que tu m'as donné une leçon de vie, m'a donné 30 piastres sur ta cage. Puis à chaque fois que tu vas avoir un chat qui rentre là-dedans pour toujours respecter ta liberté, il faut que ça soit payant quand même. À chaque fois que tu vas cager un autre chat, puis ça va être le mien, Je vais venir voir si c'est le mien, puis si c'est le mien, il m'a donné 30 piastres. OK. J'ai donné ma carte d'affaires, il m'a fait venir trois fois, puis c'était toujours la même chose. Fait que j'ai dit, Chris, Timmy, tu vas-tu finir par comprendre qu'il faut pas que tu viennes ici, parce que ta liberté, Timmy, c'est là où celle de papy a fini. Je n'ai pas compris, ben, il a fallu que je déménage. Mais tout ça pour dire quoi? Ça veut dire que psychiquement, si vous êtes capable de traiter avec le rejet, avec l'explication que je viens de vous donner, vous allez comprendre très, très, très rapidement que vous êtes responsable de votre rejet. Vous n'êtes pas rejeté par hasard. Vous êtes rejeté parce que vous faites quelque chose qui est rejetable. Moi, je suis très, très conscient que quand j'arrive dans une place, je peux me permettre de sortir des tarots, je peux me permettre de parler d'astrologie, mais je peux pas me permettre de parler de conscience à haut niveau. En tout cas, tu sais, il y a des cas de rejet, puis il y a des cas d'acceptance, style t'es Dieu. C'est le même problème. C'est un problème d'incontinence. Il y a une incontinence autant dans le fait que les gens t'aiment trop que dans le fait que des gens t'haïssent complètement. Et d'être trop aimé ou d'être rejeté, it's the same fucking game. Il y a un débordement quelque part. Que, tu sais, je veux dire, tu renverses dans une chaloupe du côté gauche ou du côté droite. On s'entend que tu vas être dans la flotte. D'un bord ou de l'autre, que tu tombes, tu sais, le rejet négatif à gauche, puis le rejet, pas le rejet, mais l'acceptance ultime à droite. Dans les deux cas où il y a versement de chaloupe, on s'entend-tu que tu vas être tout tremble? Si tu règles ça, le rejet, après ça, le monde des idées, ou le mental inférieur, qu'on appelle en fait l'intellect, ça va être plus facile de comprendre. Parce que là, ce que les gens font pour éviter le rejet dans le monde des idées, c'est de dire, bon, ah, t'as ta façon de penser, puis j'ai la mienne. Mais ça crée pas d'harmonie, ça, là. Ça crée une divergence, puis ça crée ce qu'on connaît dans la société, des partis. Parti conservateur, parti libéral, parti progressiste, parti ta-ta-ta. Fait que ça fait que dans le monde des idées, il y a beaucoup, beaucoup de rejet, parce que le psychique est pas assimilé. Et puis, l'idée, ben ça devient comme un monde de raisonnement et un monde d'obligation ou de soumission par rapport au parti dominant. Et ça, ça peut vous emmener à des grandes, grandes déceptions dans la vie, parce que vous dites, ah, ben, j'impose jamais mes idées, j'impose jamais qu'est-ce que j'ai le droit d'être, et c'est toujours la loi du plus fort. Bon, prenez votre trou, c'est la loi du plus fort. OK? Si moi, j'ai à plier vis-à-vis d'une ville, peu importe la façon, c'est la loi du plus fort. C'est la loi du plus fort où je vais avoir à décider pour les autres plans, décider ou subir, parce que la loi du plus fort, en général, elle fait subir, et je vais avoir à décider de qu'est-ce que je fais de mon émotionnel, de mon vital, et quand je dis subir, je parle d'être malade et physiquement de me suicider. Tout ça pour dire que le psychique, c'est à la base de ces quatre-là. Et puis que si t'as à mourir dans la vie, il faut que psychiquement, tu sois capable de dealer avec la finale physique. Mais vous pouvez très bien, en descendant les quatre paliers qui sont perceptibles à votre ego, quatre piliers, vous pouvez savoir où c'est mort. C'est pas compliqué à comprendre. Ça meurt où? Et comme j'ai fait un bon petit bout de chemin depuis deux mois, en fait, avec l'affaire de « wow, s'ils me font vivre ça, ils me tuent là, puis ils me tuent là », j'ai dit « ouais ». C'est à moi d'être assez intelligent pour rester psychiquement bien cohérent pour pas que je perde ma cohérence, surtout émotionnelle et vitale. Je commence à sentir que j'ai le goût de tousser, puis là, ça sent que c'est malade. Il y a quelque chose ici qu'il faut que j'aille réajuster pour pas tomber malade. Puis qu'est-ce qui empêche un être humain de mourir? Hein? Vous la voulez, la réponse? Hein? C'est tout le temps balancer ses vibrations. Ouais, balancer les vibrations, ça exige quand même... Ouais, ça exige quelque chose. Ça exige de toujours poser des actes qui sont cohérents. OK? Balancer vos vibrations, c'est un terme qui pour la plupart est une idée qui n'est pas psychique. Les gens vont dire, ah ben là, je balance mes vibrations, je vais aller prendre un petit café, je me mets en mouvement, papa. Pas sûr, moi, que vous savez ce que c'est balancer vos vibrations. C'est des états, hein? C'est pas des idées, c'est des états. Le psychique, c'est le monde des états. C'est pas un monde de concepts. Les idées, c'est des concepts. L'émotionnel, c'est palpable parce que c'est au plexus. Tu le sais, Chris, quand tu te sens pas bien, puis que c'est émotionnel, parce que c'est au plexus que ça va jouer. Quand c'est dans le monde des idées, ça t'as mal à la tête. J'ai travaillé, moi, avec l'exorciste, puis je sais très bien où se situent les ondes de choc de l'exorciste. Quand tu es possédé par une entité, tu es souvent possédé. Quand c'est global au niveau physique, là, ça habite ton corps vital. OK? C'est comme être malade. Tu as un virus dans le corps, puis tu sens le virus. Par contre, avant que ça se rende au vital, c'est émotionnel. Fait que avant d'être vital, d'être malade, il y a quelque chose au niveau émotionnel, puis au niveau des idées, qui est naturellement acharné. Tu t'accroches à. Le jeu de l'astral, c'est de vous faire penser dans une zone d'acharnement. Toutes les entités que j'ai exorcisées dans ma vie, j'ai pas fait ça longtemps, là, parce que ça avait des feedbacks sur ma personne, mais à chaque fois que je faisais un mouvement d'exorcisme, ça attaquait toujours le monde de l'idée puis de l'émotionnel de l'individu, tout le temps. Vous savez jusqu'à là? Ici, c'est le monde de la vibration. Ici, c'est le monde de l'ego. Le monde, l'ego est habité par ces quatre phases-là. Donc, il peut, avant de mourir physiquement, donc de disparaître corporellement, vous allez être affecté par des morts au niveau des idées, donc des systèmes de valeurs, des croyances. Le monde de la croyance, c'est le monde de l'idée, mais on va dire supramental. Quand Bernard disait, faut pas croire, la science supramentale, c'est pour libérer le psychique. Et le supramental, c'est au-delà des idées, mais c'est encore une philosophie. Faut bien comprendre que quelqu'un qui dit « Ah, moi j'ai un langage supramental », il reste que s'il y a un langage, il est pas dans le monde du psychique encore. Il est dans un monde hybride entre le psychique et le monde du mental inférieur, donc les idées. Il est une espèce de purgatoire là, entre les deux. Tu vois? Tu meurs au niveau de l'idée. Ah, tu dis « Je croyais à ça, puis j'y crois plus. » Il y a un décès, là. Au niveau émotionnel, je pensais qu'elle m'aimait, je pensais qu'il m'aimait, je pensais que il y a une attache ou il y a un accrochage au niveau de l'affectivité. Tu perds ton chien, tu perds tes chats. C'est des accrochages au niveau émotionnel. Ça meurt, ça tue pas encore. Mais ça pourrait si tu t'accroches. Tu t'accroches, tu t'ostines, puis ça peut te tuer au niveau... Tu vas tomber la maladie. Quand tu es rendu au stade de la maladie, c'est parce qu'au niveau émotionnel, il y a quelque chose de toi qui veut pas décrocher. Ah, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Ouais, t'as besoin, mais l'autre, as-tu besoin? Tu sais, s'il y a une divergence entre deux individus sur l'affaire d'aimer, tu peux pas forcer quelqu'un à aimer, mais tu peux pas empêcher un cœur d'aimer. Mais il faut que tu sois clair dans tes idées ou au niveau de ce que t'aimes. Si quelque chose, tu dis, si je mange ça, ça peut me tuer. Et là, tu te dis, moi, écoute, le café, j'aime ça, puis, man, qu'est-ce que ça fait, papa. Après ça, si tu tombes malade, c'est parce qu'en quelque part, tu t'es fait une idée que tu sais, comme là, j'ai shifté du café au thé vert. J'ai changé mes idées sur la façon de boire du chaud. Puis, m'entends bien, moi, avec le thé vert, pas de tension. Bon, c'est classique de demander un café, puis là, ben, des fois, je me fais pogner, je demande un café, mais plus je m'en vais, là, plus mes idées changent, puis plus émotionnellement, je suis capable de dealer avec le thé vert. Fait que mon vital, en tout cas, ça allait bien aller au niveau santé. Donc, mon physique est à l'abri de toutes les calamités qu'il y a dans ces trois secteurs-là. Parce que quand tu es rendu au physique, excuse-moi, là, on t'arrache un bras, tu as un accident, ça devient très, très, très, très concret, là, rendu au physique, là. Fait que la maladie, c'est juste étape avant d'être touché dans le physique, tu sais, te faire couper un pied, te faire arracher un œil, te faire la même. Un accident, il n'y a pas de hasard, un accident. Un accident, c'est préparé, là, tu sais, bien préparé. Fait que le monde des idées, le monde émotionnel, puis après ça, le signal qu'il y a dans le vital, puis juste avant la physique. Physique, j'inclus l'affaire des accidents, là. C'est pas tout le temps des morts par maladie, c'est peut-être des morts par accident. Ben, c'est tout dans ces mondes-là, parce que ça, c'est pas balancé. Vous balancez votre psychique, vous voulez vous battre contre la mort, battez-vous pour que votre psychique soit équilibrée, balancez ses vibrations. Effectivement, c'est ça que ça veut dire. Si tu balances tes vibrations, tu vis pas de rejet de la vie. Tu n'as pas la vie qui te rejette, puis tu ne rejettes pas la vie. Mais c'est bien important de comprendre que ces trois plans-là vont conditionner... Le psychique va conditionner ton rapport avec les trois plans qui sont sensibles à l'ego. Mais tes trois plans sensibles à l'ego peut faire beaucoup, beaucoup de nuages devant le soleil du psychique. C'est comme vous êtes des soleils, mais vous pouvez ne pas vous rendre au sol parce que vos vibrations, les rayons du soleil ne se rendent pas au sol parce qu'ils sont brouillés par le monde des idées, de l'émotion et du vital. Et ça vous tue progressivement. Pourquoi qu'une personne vit juste 70 ans, 75 ans? C'est parce qu'en quelque part, il est frappé là-dedans tout le temps. Fait qu'il faut qu'il y ait une gestion de son psychique qui lui permette de survivre là-dedans. Et ne mettez pas rien d'extérieur. Faut pas que quelqu'un ait emprise sur vos idées, vos émotions puis votre vital. Question. Comment tu détermines qu'une décision va être cohérente pour balancer tes vibrations? Si elle est psychique. Si tu prends une décision qui est incohérente, faut que tu le voies à travers le regard d'un autre. C'est la meilleure façon, bien sûr. Tu vas regarder, faut que tu trouves quelqu'un qui a vraiment un mental avancé, là. T'sais, vous avez des amis, à un moment donné, que, bon, tout le monde est canal de quelque chose. Fait que, si tu vois quelqu'un qui a, je sais pas, moi, qui a un 10-15 minutes de canal, là, je souhaite d'être capable de reconnaître qu'est-ce qui est intelligent de ce qui n'est pas intelligent. Puis, si c'est pas dans le monde des idées, son information, puis que c'est vraiment psychique, là, t'es correct. Moi, il y a du monde que je peux pas donner de crédit parce que c'est trop psychologique. Avec ces gens-là, ben, je parle pour m'aérer, mais je parle pas pour aller chier de l'info. Mais des fois, tu pognes une personne, peut-être au Tim Horton, peut-être une serveuse, puis qu'est-ce que t'en penses de ça? Puis là, on va me shooter une couple de phrases, puis c'est sur le canal. Là. Je suis capable de reconnaître quand quelqu'un est sur le canal puis quand quelqu'un n'est pas sur le canal, tu sais. Puis là, à partir de là, ben je peux avoir... Ça peut me remettre sur la traque de la cohérence. Comprends-tu? Faut pas que la personne aille de préjugés sur quelque chose. Tu vas demander à un gars du conseil de ville... Il va y aller par le règlement. Fait qu'il est pas cohérent. Tu sais, c'est pas un gars qui fonctionne avec le gros bon sens. C'est un fonctionnaire. Tu sais. C'est un applicateur de règlement. Ouais, il y a un conditionnement, c'est ça. Mais si je parle avec quelqu'un qui est pas pris dans un conditionnement, il peut me donner des suggestions qui ont de l'allure. Là, j'ai fait le tour depuis un mois à avoir les avis de tout le monde. Donc, je peux vouloir mourir à la vie pour survivre. Tout le monde peut être confronté à ne pas être capable de vivre parce que la survie a une emprise écœurante sur la personne. Pourquoi tu vis, Asti? Pose-toi là-dedans en question. Ah ben, moi j'ai le goût de... Ouais, t'as le goût de... Puis au bout du goût, c'est quoi, là? Après ton goût, c'est quoi, là? Tu vas tirer la carabine combien de temps, le gros? Tu vas être Top Gun à l'échelle du Canada, c'est ça que tu veux? Non, pas vraiment. Ça m'intéresse pas tant que ça. Hein. Tu comprends-tu? Mm-hmm. C'est pourquoi tu vis. Ultimement, là, ton psychique va se garder une cohérence dans une projection. Pourquoi tu vis? Pour vivre ou survivre? Puis c'est quoi vivre? Puis c'est quoi survivre? Survivre, pour moi, c'est faire quelque chose en attendant que. T'attends quoi? Tu passes ta vie à vouloir te définir. Tu sais ce que tu veux, puis on te l'enlève. Hey! Ça vaut-tu la peine de se battre pour le garder? Moi, je trouve que oui. Parce que ça prend tellement d'années à savoir ce que t'aimes. Tellement d'années. C'est hallucinant. J'ai fait le tour du couple. J'ai rencontré des milliers de personnes qui avaient des problèmes de couple, hostie. Puis, qu'est-ce que tu veux de l'autre? Puis, qu'est-ce que l'autre veut de toi? C'est ça la question. Puis là, t'es-tu tanné que l'autre veuille ça de toi, puis qu'ils veulent pas ça de toi, de te faire constamment découper en tranches de rondelles de saucisses, calice. T'es-tu tanné? Tu veux-tu vivre ta vie ou vivre pour la vie de l'autre, hostie? J'ai posé cette question-là à des milliers de femmes. Puis cette gang de tartes-là, ils ne savent pas encore. Faut bien comprendre que Christ, dans la vie, il faut se battre, tabarnak. Puis les femmes qui veulent pas se battre, hostie, pour avoir ce qu'ils veulent, puis leur définition, puis leur identité. Mais moi, j'ai travaillé avec les femmes. Puis j'ai vu que la femme, son point faible, c'est d'être une femme. Puis que si elle n'est pas femme, puis qu'elle est un être, Chris, elle va se respecter. Puis elle va se faire respecter. Moi, j'ai vu des femmes qui se tenaient debout parce qu'ils se faisaient respecter. C'est respectable, un être. Au même titre qu'un hostie de Chris de mâle, goujon, peu importe la fortune ou l'intelligence qu'il y a, quand il n'y a pas d'allure, il n'y a pas d'allure. C'est pas un être, c'est un animal. J'ai découvert dans la vie que le monde, c'est des animaux. Autant la femme que le mâle. C'est toujours des animaux. Tout le temps. Moi, un moment donné, je défendais la femme. Man, c'est pas défendable, cette cause-là, câlisse. La seule affaire que tu peux défendre, le gros, là, c'est l'être. Là, quand j'ai rencontré Bernard, j'ai dit, bon, enfin, il y en a un qui parle de l'être. Quand il parlait de l'homme, lui, il parlait pas de l'homme physiquement, il parlait de l'homme, l'être. Puis que l'être, c'est défendable. Mais qu'un sexe, ça se défend pas. C'est animal. Il a le droit de pas être d'accord. Mais je sais de quoi, en esti, de quoi je parle, là. Quand je vois des femmes dépendre d'un homme, c'est-tu que ça fait pitié? T'as pas d'idée. Même s'ils sont bien, ça fait pitié. Parce qu'un jour, là, tu peux pas garantir que le gars va être dans ta vie tout le temps. Puis si t'as pas appris à décider dans ta vie, t'es morte. T'es morte. T'es plus capable, de fonctionner. Le gars, il décidait à ta place tout le temps. Moi, je me suis pogné avec Monique parce qu'elle a sorti du giron classique de la famille. Mais aujourd'hui, je la respecte énormément parce que, OK, elle a une tête de cochon, elle est mauvaise comme le Christ, puis le kit. Mais, tu sais, si elle dit, moi, je me cherche l'ouvrage, puis qu'elle dit, je vais trouver l'ouvrage. Elle va trouver l'ouvrage, tout ce moi. Elle va laver le plancher, elle va faire n'importe quoi, mais elle va faire ça au maximum de ses capacités. Un être, ça se bat dans la vie, ça se défend dans la vie. Ça se fait pas dire par un gars, je vais m'occuper de toi, là. C'est OK, il y a du monde que de temps en temps, c'est le fun qui s'occupe de toi, mais tu es capable de balancer l'échange en quelque part. Moi, j'accepte aucun aide de personne que je peux pas établir l'échange. Aucun. Parce que je suis un aide, puis je veux que l'aide qui m'aide ait un pendant à l'aide qu'il y a. Je suis pas capable d'accepter que quelqu'un n'engendre pas un échange. Ça se comprend-tu? Fait que quand est-ce qu'on sait qu'une décision est, comment tu me demandes, cohérente? C'est quand il y a un échange, un équilibre, un respect de l'être. Puis si tu n'es pas capable de voir la différence entre un animal et un être, ben là, qu'est-ce que je te dis? Viens voir. Moi, t'as le montrer. Violemment. Il y a bien du monde, moi, Monique, elle me disait, il y a bien du monde qui ont peur de toi. Je dis, heureusement. Parce que moi, toi, le monde, comme elle dit, moi, je les accueille. Ah ouais, c'est payant, ça? Puis je dis, moi, je les change. Quelqu'un qui ne veut pas changer, il n'y a pas d'affaire dans ma cour. Tu vois, tu viens me voir, tu me donnes 1 000$, puis tu me demandes de changer. Tu m'as donné le mandat de te changer. Je te garantis que tu vas changer. Un petit peu, beaucoup, ça dépend de toi, mais tu vas changer, ça c'est sûr. Il va mourir à quelque chose. Il va quoi? Il va mourir à quelque chose. Tu m'as dit, il va vivre une mort. Ouais, mais il va mourir pour quelque chose. C'est ça. Il va savoir déjà dans l'autre vie qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse. Ça c'est sûr. Puis c'est simple la vie. Là, c'est-tu que c'est simple. Le respect, si bon. Te faire respecter et respecter. Moi, là, quand je m'en vais au conseil de ville, là, j'arrive là, je garde mon calme, je suis psychiquement cohérent, je suis poli avec eux autres, et puis je me bats pas contre eux autres, je me bats contre un règlement qu'eux autres peuvent changer. Mais c'est le règlement que j'attaque, c'est pas eux autres. Et tant que je suis capable de lui faire voir que le règlement, eux autres, peuvent le changer, je lui donne les pleins pouvoirs, j'accepte le plein pouvoir, je reconnais leur plein pouvoir de faire quelque chose pour moi. Vous voulez pas le faire? Fine. S'il vous plaît, donnez-moi le temps de crisser mon camp, parce que je suis juste pas à bonne place. J'étais à bonne place il y a 9 ans, et là, je suis plus à bonne place. Parfait, vous êtes devenu une ville. Avant, vous étiez une paroisse. Parfait, j'ai appris ça. J'ai appris. Tant que j'ai appris, moi, ça va. La cohérence, tout le temps. Surveiller le psychique pour tout le temps qu'il soit à flot. et ça reste cohérent. Mais dans les idées, tu peux perdre la cohérence si tu as un point de vue. Il faut pas que tu aies de point de vue. Là. C'est sûr que quand je pense à votre grande, grande protection dans la vie, c'est de rester cohérent dans tout ce que vous faites, tout le temps. Comme pas d'être au niveau de l'idée. Tu es capable de savoir si tu es prisonnier, si l'idée est polarisée. Tu es polarisé, tu le sens. Émotionnellement, tu te sens en déséquilibre. tes idées font trop, accrochent trop. Là. Tu vas pas parler d'extraterrestres si boire à du monde qu'ils ne croient pas à ça. Là. Perds pas ton temps là-dedans. Là. Ça, c'est des idées. Les gens qui t'acceptent pas, ils t'acceptent pas, point final. Là. Il n'y a pas d'échange possible. Il y a un conflit. Il y a un conflit parce qu'on ne te demande pas. Si on ne te demande pas, il y a un conflit. Si on ne te demande pas d'être, tu sais, moi, il y a des gens que je demande carrément. Tu sais, je demande d'être là. Parce qu'ils font partie de la pièce de théâtre, puis dans la pièce de théâtre, j'ai besoin de leur intervention pour pouvoir libérer ma répartie, là. Il n'y a pas d'événements qui sont faits pour toi. Il n'y a jamais d'événement qui est fait pour toi. Il y a des événements dans lesquels tu fais partie de la pièce. Mais c'est pas pour toi. C'est pour la pièce. Fait que moi, je suis dans une pièce de théâtre de chats et puis d'animaux, en réalité. Fait que l'évolution de vos vies, c'est une évolution... qui est aussi vivante que vous êtes cohérent dans vos affaires. Tu parlais au début que quand tu vibres, la vie t'amène toujours plus loin. Oui. Puis tout, c'est toujours trop. C'est toujours trop pour l'ego. Moi, je suis rendu au stage que les prochains tests, ça ne sera plus mon ego. Ça va être pour des registres qu'une calice d'idées. Mais moi, tu m'enlèves le goût de vivre, là, tabarnak. J'ai plus de vie pour moi, là. J'ai une vie juste pour le travail que je vais faire, là. En fait, je vais vivre pour vous autres, c'est point final, là. Pas évident, ça, là. Y a-tu bien du monde, toi, ici, là, qui sont prêts à vivre pour les autres, là? Je sais déjà ceux qui vont dire, ah, ben, moi, j'essayerais. Mais, en tout cas, je connais personne de vous autres qui serait prêt à vivre pour les autres, là. Excuse-moi. Je connais personne. Fait que même moi, je me connais pas dans cette dimension-là. C'est, je peux vivre pour les autres, oui, dans la mesure que ça reste un travail. Mais de là à en vivre ça comme si c'était mes chats ou si ça, oh, vrai, c'est pas... T'aimerais-tu ça? Viens-tu sur mes genoux que je te flatte là derrière la tête? Non. Hein? Okay. Il n'y aurait pas rien de vital ou d'émotionnel entre nous deux. Il y aurait juste une combinaison d'idées. Puis, viens, on a le goût de jaser, le goût de parler.